Today, I'd like to continue my topic that I spoke about a few days ago, which are the eight ways in which noble ones or Aryas escape from the suffering of samsara and the eight obstacles to those pathways out. Aujourd'hui, je vais poursuivre mon enseignement à propos des huit façons d'échapper à la souffrance du samsara et des huit obstacles qui vont empêcher le développement de ces huit façons. J'ai déjà parlé du premier de ces instruments et du premier de ces obstacles. Nous allons parler aujourd'hui du deuxième de ces huit instruments et du deuxième obstacle à ces huit instruments. Le deuxième instrument, l'instrument tout simplement se dit en pali niyana. Et donc, nous allons parler du deuxième de ces niyana, instrument qui permet d'échapper au samsara. Ce deuxième niyana est en réalité abhyapada en pali, ce qui veut dire la non-colère, l'absence de colère, l'absence de découragement. Il est question de ceci dans un texte des Écritures qui s'appelle « Le chemin de la connaissance ». Et donc, il existe des obstacles à ce deuxième empêchement, tout comme aux autres. Les obstacles vont donc nous empêcher de développer l'instrument qui va nous permettre d'échapper à la souffrance. Et donc, cette qualité de non-découragement, d'absence de colère, est le deuxième moyen qu'utilisent les Aryas, les êtres nobles, pour échapper au samsara, échapper à la souffrance du samsara. Le terme pali niyana s'enracine en fait dans un verbe qui veut dire échapper, sortir de quelque chose. Les êtres nobles, les Aryas, vont réussir à s'extraire de la souffrance du samsara en développant précisément cette attitude de non-découragement, d'absence de colère. Et ils vont développer metta, l'amour bienveillant, et karuna, la compassion. Le découragement et la colère sont en réalité des obstacles pour développer ce chemin de délivrance. Donc, tant que l'on n'aura pas développer l'absence de colère et l'absence de découragement, et qu'on sera donc pris constamment par le découragement et par la colère, on ne pourra pas se libérer de la souffrance. C'est pour cette raison que la colère et le découragement sont appelés des obstacles, des awarana en pali. D'un point de vue très pratique, les yogis qui sont ici présents observent sans interruption tout ce qui se manifeste en eux à chaque instant, que ce soit au niveau du corps ou au niveau de l'esprit. Ils le font de façon constante, sans interruption, et avec ces deux facteurs dont il a déjà été question précédemment, le fait de viser l'objet et le fait de fournir un effort. Cette observation précise, accompagnée de ces deux facteurs que sont le fait de viser et le fait de fournir un effort, va permettre au méditant de se libérer de la colère. Un méditant qui possède cette observation, cette qualité d'observation, détient l'esprit vipassana. Cet esprit vipassana va donc lui permettre de se libérer de vyapada. Un synonyme de vyapada, c'est adosa, l'absence de colère. Ces deux mots sont donc synonymes. Et donc, ces deux qualités, abhyapada, l'absence de découragement et l'absence de colère, accompagne spontanément le méditant qui pratique vipassana. Le méditant qui pratique vipassana détient ce que l'on appelle l'esprit vipassana, la conscience vipassana. Dans le monde, il est possible que l'on rencontre parfois des êtres qui ont spontanément cet esprit vipassana en eux. Donc, ces êtres qui sont dirigés vers les autres que vers eux-mêmes, sont heureux lorsqu'ils rencontrent des êtres qui sont libres de la colère. Ils vont également se réjouir si au moment où ils entrent en contact avec une situation ou un être qui génère la colère, ils ne tombent pas dans cette colère. Si donc les êtres sont plus dirigés vers le bien-être des autres que vers leur propre bien-être, ils ne se fâcheront pas lorsqu'ils rencontreront des situations génératrices de colère. Ils feront preuve de tolérance, de patience et de pardon. Cet esprit libre de la colère et du découragement, capable de tolérance, de patience et de pardon, c'est justement la signification de Abhyapada. S'il n'y a pas ces trois qualités de tolérance, de patience et de pardon, il est inévitable que l'être qui entre en contact avec des situations qui lui déplaisent va se mettre en colère ou bien sera découragé. Par contre, les êtres qui détiennent ces qualités vont pouvoir faire preuve dans ces conditions de tolérance, de patience, de pardon, de compassion. Les êtres égoïstes ne pensent qu'à eux, ils ne pensent qu'à leur propre bien-être avant de penser à celui des autres. Chez ces gens, les qualités de tolérance, de patience, de pardon, de compassion n'apparaîtront pas dans l'esprit lorsqu'ils seront face à des situations difficiles. Ils seront très réactifs, primaires dans leur réaction. Et forcément, leur réponse sera violente. Ce sont des personnes qui sont difficiles à vivre. La personne qui détient l'esprit Vipassana aura également spontanément en elle de l'amour bienveillant. Et ceci sera particulièrement vrai chez les méditants qui ont persévéré dans leur pratique et qui ont atteint le stade de l'équanimité, appelé en pali upekkha. Donc, lorsqu'un objet négatif, une situation négative se présente, comme par exemple des sensations douloureuses, et ceci est vrai non seulement en retraite, dans le cadre d'une méditation, d'une pratique intensive, mais également dans la vie de tous les jours. Si donc une situation négative se présente, les Ariyas, les êtres nobles, vont réussir à s'échapper de cette souffrance par l'observation attentive qui s'accompagne d'absence de colère et d'absence de découragement. Ils pourront ainsi échapper à la souffrance et ce moyen est donc appelé un instrument qui permet de s'échapper. Nous devrions essayer d'adopter cette attitude de non-colère, de non-découragement lorsque nous pratiquons. Même si elle est faible au départ, qu'elle est très modeste, il faut la développer et encore la développer. D'un point de vue pratique, lorsqu'en méditation, on est confronté à des objets qui sont négatifs, générateurs de découragement ou de colère, Vipassana va se manifester dans l'esprit. Une autre signification de Vipassana, c'est qu'elle va changer l'état de l'esprit. L'esprit est pur au départ ou relativement pur. Il a spontanément du metta, de la compassion. En méditation, si quelque chose de négatif se présente, le méditant, bien souvent, va réagir en n'aimant pas cet objet. Il ne souhaite pas l'observer. Ceci, c'est encore une signification de Vipassana, la colère. L'esprit va alors être pollué, il va être sali, il va devenir aigre. Ceci est quelque chose qui doit être corrigé. Si on ne corrige pas cet esprit qui est devenu aigre, il ne sera pas possible d'introduire en soi les qualités dont il a été question, tolérance, patience, pardon, compassion. Lorsque on prépare un plat en cuisine et que se met à de l'aigreur, eh bien, on va tourner dans la casserole et il y a une odeur d'acide qui va se dégager de la casserole, une mauvaise odeur. C'est la même chose avec une personne qui ne sait pas faire preuve de bienveillance. Son esprit est pollué et il est devenu aigre. Et cette personne, elle aussi, va dégager une mauvaise odeur. Si une personne détient un tel esprit, un esprit qui est devenu aigre, il faut qu'elle se corrige, il faut qu'elle se débarrasse de cette aigreur. Mais si elle ne le fait pas, ou si elle se trompe de moyen, qu'elle le fait incorrectement, cet esprit aigre va avoir des effets sur le corps et particulièrement sur le sang qui va devenir plus épais. Il y aura donc des effets sur le corps et particulièrement sur le sang. La circulation sanguine ne se fera plus correctement. Il y aura peut-être des problèmes d'hypertension, des pressions dans le corps et même parfois un décès. Cette attitude mentale, donc de ne pas réagir positivement face aux situations désagréables, cette attitude mentale est vraiment effrayante. Si on ne la corrige pas, chaque fois qu'on sera confronté à une situation désagréable, cette aigreur va apparaître dans l'esprit. La colère va constamment se manifester chez cette personne. Elle sera amenée à poser des actes physiques ou vocaux violents. Elle va transgresser ses préceptes moraux. Elle pourrait même attaquer l'autre personne et même devenir d'une certaine façon folle. En pali, on dit qu'une telle personne est constamment envahie par la colère et ceci, c'est une maladie mentale. Vyapada est un obstacle à la délivrance, en ce sens que la personne qui a la colère dans son esprit, le découragement dans son esprit, ne pourra pas répondre efficacement aux situations difficiles. Elle ne pourra y répondre par encore plus de colère et de découragement. Comment allons-nous faire pour changer notre esprit? Comment allons-nous donc faire pour changer notre esprit? Il faudra cultiver l'amour bienveillant. Il faudra cultiver l'altruisme. Ceci veut dire que nous devrons apprendre à nous montrer tolérants, à pardonner, et de cette façon, nous pourrons éviter de laisser entrer dans notre esprit cette biapada, donc ce découragement ou cette colère. Nous allons surtout pratiquer metta, l'amour bienveillant. Ceci veut dire que nous allons constamment penser au succès des autres, à la santé des autres. Nous ferons tout pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils se libèrent du danger, pour qu'ils se libèrent des ennemis. Ceci, c'est une attitude d'absence de colère. Les méditants qui pratiquent Satipatthana, les Satipatthana yogis, comme nous, ici, dans cette salle, nous essayons d'observer sans interruption tout ce qui se manifeste en nous et de développer ainsi les connaissances vipassana. Cette pratique va développer l'énergie, elle va devenir forte et nous pourrons à terme nous débarrasser des tendances à la colère. Lorsque de telles personnes, des pratiquants de Satipatthana, se trouvent dans des situations génératrice de colère ou qu'ils rencontrent une personne qu'ils n'aiment pas, s'ils ont pratiqué que leur esprit est devenu mûr par la pratique de Satipatthana, ils pardonneront automatiquement. Ils auront spontanément à l'esprit des pensées qui sont dépourvues de colère. On peut donc dire que la pratique de Satipatthana élimine la colère. Mais si nous oublions de noter le découragement ou la colère lorsqu'il est présent dans l'esprit, si nous ne notons pas comme on le fait pendant la méditation, c'est comme si on plantait un arbre mais qu'on ne lui accorde aucune attention. C'est un petit peu comme s'il y avait un problème à la maison. Il y a quelque chose qui demande à être réparé. Mais si on néglige de réparer ce problème, si on se contente de regarder ce problème sans rien faire, il ne sera pas résolu. Si on ne fait rien pour réparer ce problème dans la maison, il va se propager à d'autres endroits de la maison, il va provoquer d'autres dégâts et finalement cette maison sera devenue tout à fait inhabitable. C'est la même chose avec notre esprit. S'il y a un défaut dans l'esprit, il faut essayer d'y remédier. Si c'est de la colère, par exemple, si nous avons tendance à nous mettre en colère, nous devons essayer de mettre fin à cette tendance et nous devons le faire comme cela vient d'être décrit par la méditation. Si on ne fait rien, cette tendance va se développer de plus en plus. Nous sommes des êtres humains, nous vivons avec d'autres personnes. Nous vivons en famille, nous vivons avec des amis, nous faisons partie d'un village, d'une même ville, d'un même pays, etc. Nous sommes des êtres sociaux. Et comme nous sommes des êtres sociaux, nous devons faire attention à ce que nos relations avec les autres soient harmonieuses. En général, ou bien souvent, les gens qui ont des conflits avec les autres les accusent immédiatement et pensent que c'est eux qui doivent pardonner, que c'est eux qui doivent changer d'attitude. Mais ceci, ce n'est pas la façon correcte de procéder. Celui qui se montre altruiste, qui pense toujours au bien-être des autres, qui ne pense pas à son propre bien-être, va pouvoir développer la patience, le pardon. Et de cette façon, la colère n'apparaîtra pas dans son esprit. Comment l'esprit affecte-t-il le corps? Lorsqu'on se sent malheureux, ce malheur qui se manifeste dans l'esprit va avoir des effets immédiats sur le corps. Il y aura des sensations désagréables. Ceci, ces sensations désagréables sont appelées Vedana en Pali. En méditation, nous devons noter Vedana, la sensation désagréable, et nous devons essayer de la voir disparaître. Si il y a des sensations désagréables qui se manifestent pendant la méditation, la colère va spontanément se manifester, Vyapada. Et ceci sera vrai non seulement pour les sensations désagréables, mais également lorsqu'il y aura des bruits désagréables, des visions désagréables ou quelque autre objet désagréable. Nous devons donc noter ces choses désagréables lorsqu'elles se manifestent. Nous devons les faire disparaître par l'attention. Et nous devons les noter avec beaucoup de fermeté. Si elles ne partent pas, si elles ne disparaissent pas, après qu'on les ait notées deux ou trois fois, nous revenons à l'objet primaire et nous, dès qu'elle se remanifeste, nous devons de nouveau la noter. Nous allons ainsi noter de façon répétée ces choses désagréables et la colère qu'elles génèrent. De cette façon, nous allons éliminer la colère couche par couche, petit à petit, progressivement, comme si nous nous guérissions d'une maladie par la prise régulière d'un médicament. Finalement, la tendance à la colère aura complètement disparu. Satipatthana, la méditation Satipatthana, c'est le meilleur moyen pour réussir à surmonter la colère, le découragement, Vyapada. Si nous ne pratiquons pas Satipatthana, l'esprit va rester immature, il va rester dans un état inférieur, petit. Le corps va vieillir, va se développer, mais l'esprit, lui, ne va pas se développer. Il va rester dans un état d'enfance immature. L'esprit va rester immature, petit, faute de connaissance, de compréhension. Et en conséquence, la colère va s'y installer de plus en plus et va imprégner toute la vie. L'esprit qui est sous-développé est comme un arbre qui n'aurait pas grandi. Un esprit qui reste sous-développé est fragile, il est immature et il va facilement vaciller. C'est comme l'arbre qui a été planté, qui est très jeune et qui est donc très fragile. Il est susceptible d'attraper des maladies, de ne pas bien se développer. C'est la même chose pour l'esprit. Et un esprit qui reste immature, qui reste sous-développé, ne va pas pouvoir répondre aux situations difficiles qui sont susceptibles de se présenter. Il va vaciller face aux choses désagréables. Il va tomber immédiatement dans la colère. Sa réponse sera très rapide, carrément primaire, et il ne pourra pas répondre adéquatement. Parfois, l'esprit n'aura pas le temps d'apprécier la situation, de juger correctement la situation, il va réagir immédiatement par un comportement verbal ou physique négatif, une transgression. Par contre, si la personne pratique Satipatthana, cela va lui amener de l'énergie, son esprit sera devenu fort et capable de surmonter les situations difficiles. Il sera devenu un esprit mûr, un esprit développé. Donc, la pratique de Satipatthana va amener de l'énergie à l'esprit qui, d'un état d'immaturité, va passer à un état de maturité. Un esprit qui est devenu énergique par la pratique de Satipatthana sera capable de viser l'objet et de s'y connecter de façon très ferme. Lorsqu'il observera les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, il sera capable de les atteindre et de s'y frotter. L'esprit sera devenu ainsi très précis. Il ne glissera pas à la surface de l'objet. Il n'y aura pas ce que l'on appelle en pali « kama vitaka », des pensées sensuelles. L'esprit n'aura pas non plus des pensées de cruauté ou de colère. Il n'aura pas d'intention négative, ce sera devenu un esprit contrôlé. Lorsque ces tendances aux pensées sensuelles ou aux pensées cruelles auront diminué, voire disparu de l'esprit, cet esprit va voir des facteurs positifs s'introduire en lui, notamment l'effort. L'effort, c'est donc le facteur qui va s'introduire dans l'esprit lorsqu'il se sera débarrassé de ses pensées négatives. L'effort sera devenu puissant. Je vous ai déjà parlé des trois types d'efforts dont le méditant devra faire preuve au cours de sa pratique. Le premier, c'est l'effort initial, on s'installe dans la pratique. Le deuxième, c'est l'effort accru, celui qui va nous permettre de surmonter les difficultés qui vont se présenter après un certain temps. Et le troisième, c'est l'effort persistant, celui qui va nous permettre d'atteindre notre but. Le yogi, qui fait donc preuve d'un effort au cours de sa pratique, et de l'autre qualité, celle qui consiste à viser l'objet, va pouvoir mettre fin aux obstacles. Il propulse son esprit vers l'objet, c'est l'effort. L'esprit atteint l'objet parce qu'il y a eu également la deuxième qualité, le fait de viser cet objet. Le méditant note de cette façon, sans interruption. Il note tous les objets qui se manifestent avec ces deux qualités. L'esprit va alors adhérer à l'objet. Le yogi va devoir fournir à la fois l'effort et le fait de viser l'objet, ces deux facteurs. Il doit toujours les utiliser lorsqu'il pratique et qu'il dirige son attention vers les différents objets qui se manifestent à chaque instant. À chaque instant, il va donc faire preuve de ces deux qualités et son esprit va se développer de plus en plus. Si en une minute, le yogi est capable de fournir cette qualité d'attention, son esprit connaîtra 60 instants de paix. S'il le fait pendant 5 minutes, il connaîtra 300 instants de paix. Et s'il le fait pendant une heure, il connaîtra 3600 instants de paix. Son esprit va ainsi se développer de plus en plus. Il va devenir très stable et cet esprit devenu très stable va pouvoir éliminer les empêchements qui étaient présents. Donc, lorsque la connaissance du yogi se développe, qu'il comprend de mieux en mieux comment tout cela se passe, il va en arriver à se dire spontanément « Or, c'est vrai, tout ce qu'on annonce dans les Écritures est vrai ». Son esprit va alors encore mûrir et cette maturité de l'esprit va se développer de plus en plus. Un esprit devenu mûr va pouvoir supporter facilement toutes les vicissitudes qui sont susceptibles de se manifester constamment dans la vie. Il pourra supporter facilement le froid, le chaud et tout ce qui est perçu comme négatif. On peut dire qu'un tel esprit est devenu contrôlé. Un esprit qui est contrôlé est frais, paisible et calme. C'est de cette façon qu'un esprit immature devient un esprit mûr. Lorsque l'esprit se développe ainsi, cela va devenir une habitude et un esprit qui est ainsi développé, qui est devenu mûr, ne se fâchera pas lorsque quelque chose de négatif va se présenter. Il ne se réjouira pas non plus à l'extrême, il n'aura pas de désir avide pour ce qui est positif. Un tel esprit, un esprit mûr, ne vacille pas face à ce qui se présente. Mais si ces qualités ne se développent pas, si l'esprit ne devient pas mûr, il est inévitable qu'il s'implique dans les phénomènes et réagisse. Upekkha, l'équanimité, ne sera pas développée et n'apparaîtra pas. La première qualité dont le yogi devra faire preuve, c'est la qualité qui consiste à viser l'objet. S'il ne vise pas l'objet, il est fort probable que son esprit ne s'implante pas dans l'objet approprié, qu'il aille vers un objet inapproprié. L'effort va rendre l'apparition des empêchements impossible. La qualité de sati, l'attention, va agir comme une espèce de frein à l'intrusion dans l'esprit des empêchements. La qualité de samadhi, la concentration, va unifier l'esprit. Il n'y aura pas de somnolence. Et si ces qualités sont présentes à chaque instant, elles vont amener un regain d'énergie. Et cette énergie va se développer de plus en plus, jour après jour, semaine après semaine. Et lorsque ces qualités auront été développées encore plus, l'esprit va pouvoir observer les différents objets de façon automatique. Il n'y aura plus d'effort. L'observation se fera automatiquement et il sera d'emblée dans la réalité ultime. Et un esprit qui atteint ces niveaux, qui est devenu capable de se manifester spontanément et de voir, d'être branché sur la véritable nature des phénomènes, développe la connaissance. Et les connaissances vont se développer progressivement et l'esprit va ainsi mûrir encore et acquérir de la résistance. C'est tout cela que l'on appelle le développement mental bhavana en pali. Je vous souhaite à tous de développer votre esprit, d'acquérir ces qualités mentales et de les installer en vous de façon à atteindre le but. Sadhu, sadhu, sadhu. In your days here, I hope you will all be able to develop mental power and stamina to continue the practice until its end and realize true peace. Sadhu. Sadhu, sadhu.